Dans l'ascenseur, le front perlé, mon pauvre cœur va s'arrêter. Ma vie se trouble, mon esprit s'embrouille, et mes lacets sont trop serrés. Angoisse, crise de panique, il va falloir que je me passe le neuroleptique. Angoisse, crise de panique, je vais aller faire un tour du côté de la clinique. Il y a trop de monde tout autour de moi, j'ai les mains qui tremblent et le cœur qui bat. Il n'y a plus personne, le monde est vide, le silence pèse une tonne et m'assassine. Angoisse, crise de panique, il va falloir que je me passe le neuroleptique. Angoisse, crise de panique, je vais aller faire un tour du côté de la clinique. Pouvoir sortir de cette clinique.